Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo. Vous nous écoutez via le 107FM sur internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans la bulle et avec nous en ce jour pour partager un bon moment chaleureux, culturel et d'humeur festive. J'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Jackie Castan qui est entre autres le directeur artistique et administratif et bien de l'événement dont nous parlons aujourd'hui. Les Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Jackie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. Eh bien, donc, pour parler tout au long de cette émission, eh bien, de cet événement, hein, les Pluralies de Luxeuil-les-Bains, qui auront lieu du 18 au 21 juillet pour sa 17e édition. Je vais y arriver. Ben vous y arrivez très très bien, parce qu'en plus, Gauvin Serres, dont on va parler, nous a fait une petite vidéo, et ce qui est très très drôle, elle est sur notre Facebook, et il n'arrive pas à dire « Pluralie de Luxeuil-les-Bains ». Ah. Donc il s'y reprend à deux fois, donc bon, vous êtes dans le style de l'émission. Alors nous parlerons bien entendu eh bien, tout au long de cette émission de la programmation de cet événement hein, qui proposera de la musique avec différents groupes et styles car cet événement se veut éclectique, j'ai vraiment eu l'impression en tout cas, notamment avec un artiste qui parlera au plus grand nombre, il s'agit quand même de Slimane, grand vainqueur de The Voice hein, qui sera présent sur les Pluralies le jeudi 19 à 21h30, mais pas que parce qu'il y aura vraiment d'autres personnes, d'autres artistes très connus. Il y aura également du cirque, du théâtre, du cinéma, etc. etc. Voilà un festival très, très artistique pour le plus grand plaisir de tous, donc, qui a été créé à l'initiative, eh bien, il me semble, de la ville de Luxeuil-les-Bains en 2002, c'est bien ça? Exactement, et puis après vous avez dit le mot juste, hein, éclectique, puisqu'en 2002 on avait créé le festival qui s'appelait les Éclectiques de Luxeuil-les-Bains. C'était déjà un petit peu la caractéristique principale de notre festival. Et puis pour de sombres histoires de procès, on a été obligé de changer de nom, ce qui nous a énormément surpris. Ah, et en 2003, on s'est appelé les Pluralies de Luxeuil-les-Bains, et pour éviter tout problème administratif, on a déposé ce mot à l'INPI. Et donc voilà, définitivement, on s'appellera les Pluralies de Luxeuil-les-Bains sur des principes qui restent les mêmes. Ceux dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'éclectisme de la programmation. On pense que sur une petite ville, hein, Luxeuil-les-Bains, c'est quand même une petite ville, il n'y a pas forcément la place pour y faire un festival à thème. D'accord. Uniquement de la chanson, uniquement du théâtre, uniquement du cirque. Donc on a depuis le départ posé comme principe fondateur l'éclectisme. Et donc, oui, comme vous l'avez dit, cette année, il y aura de la chanson, de la musique dans toutes ses formes. Du théâtre, du cirque, du cinéma. C'est un des principes de base des Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Waouh, eh bien dis donc. Alors, les Pluralies sont gérées par une association? Exactement, par une association très traditionnelle, type 1901, qui me confie donc la charge administrative et artistique de ce festival depuis le début, puisque moi je suis originaire de Luxeuil-les-Bains et j'ai eu le plaisir et le bonheur de créer ce festival en 2002. Eh bien, super. Alors, eh bien, est-ce que vous êtes à l'initiative de cette idée ou est-ce qu'il y a toute une équipe qui s'est regroupée pour un jour faire sortir ce festival de terre? Très modestement, hein, j'en suis vraiment à l'initiative parce qu'à ce moment-là, j'étais directeur du théâtre de Vesoul, donc juste à côté de Luxeuil, et j'animais une troupe de théâtre qui faisait chaque été des propositions de spectacles à Luxeuil-les-Bains. Et le maire, en 2001, m'a proposé, puisqu'il y avait toute une infrastructure qui existait, on montait des gradins, on montait des projecteurs, on faisait de la communication autour de la présentation de ce spectacle de théâtre dont j'étais le metteur en scène. Il m'a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas autour de ça imaginer un festival? Je lui ai dit avec grand, grand plaisir. Et donc, en 2002, sont nés les Éclectiques de Luxeuil-les-Bains. Ah ben c'est super. Est-ce que vraiment ça donne un coup de pétillant, un coup de dynamisme à Luxeuil-les-Bains, ce festival? Ah ouais, tous les ans. Je le crois. Enfin, en tout cas, on entend beaucoup ça, hein, c'est-à-dire que Luxeuil a un petit peu de mal à vivre, à exister, parce que ça reste une ville formidable, probablement pour moi la plus belle ville de Haute-Saône. D'accord. Mais qui malgré tout a un petit peu de mal à faire vivre prioritairement son centre-ville. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis originaire de Luxeuil-les-Bains, il y avait un festival quand j'étais gamin qui s'appelait le Festival des Hauts-de-Saône et qui était décentré au parc thermal. D'accord. J'ai jamais pensé que c'était le bon endroit pour le festival et dès le début en 2002, C'est un des trois principes. Hein. On parlait tout à l'heure de l'éclectisme de la programmation. Le deuxième principe, c'est la mise en valeur du patrimoine architectural. Oui. Je crois que Luxeuil-les-Bains, encore une fois, dispose d'un patrimoine architectural tout à fait exceptionnel. Et en particulier avec ce cloître, ce magnifique cloître dont les révolutionnaires en 1792 ont décidé d'abattre le quatrième mur, préconisant probablement la création d'un festival deux siècles plus tard, parce que pour nous, ça devient une scène absolument magnifique. On met le gradin sur la place du quatrième mur et on a donc des spectacles qui se déroule dans cet espace merveilleux du cloître. Je me rappelle Sanseverino qui, quand il découvrait le lieu, nous avait dit « mais on se croirait dans le sud de la France ». On n'est pas dans le sud de la France, mais on est probablement dans un des plus beaux lieux de spectacle de l'est de la France. On voyage. Exactement, on voyage parce que, vous avez raison, hein, si je continue un petit peu dans mon patrimoine architectural, juste à côté où chaque soir on propose des auberges gratuites, oui, c'est-à-dire des spectacles musicaux gratuits où il y a la possibilité de prendre un verre ou de se restaurer, là on est au cœur de l'abbaye. Et le troisième lieu, c'est lui un hôtel particulier du XVIe siècle, style Renaissance, où là on y fait des spectacles de proximité, très souvent les spectacles de théâtre, parce que c'est pour une jauge réduite de 150 spectateurs, et l'acoustique y est formidable. Et donc voilà, on essaie de mettre en valeur qui est de ce patrimoine architectural qui date du XIIe siècle et qui donc, on y va dans les murs du XIIe, du XVIe, du XVIIIe siècle. Et donc voilà, c'est un voyage aussi historique dans ce patrimoine architectural avec, on l'espère, des spectacles contemporains. Eh bien oui, donc ça c'est un des grands buts, hein, mettre en valeur le patrimoine, proposer de l'éclectisme, mais aussi, comme vous l'avez précisé, regrouper un petit peu les gens, leur faire voir plein de spectacles, de choses différentes, et ça c'est important. C'est essentiel, c'est le troisième point, vous avez raison, c'est-à-dire c'est ce que moi j'appelle le lien social, c'est-à-dire qu'un festival comme ça, bien évidemment, il doit y avoir une proposition artistique exigeante au départ, mais ce qui me semble formidable, surtout dans les festivals d'été, c'est de se réapproprier différemment la ville. Et là, en créant du lien social, en repermettant aux gens de redécouvrir, tout d'un coup le centre-ville est complètement modifié, hein, cette place centrale, elle est complètement interdite à la circulation, dans cet endroit, la cour intérieure de l'abbaye, où on y fait qu'y passer, voire on n'y entre jamais, tout d'un coup ça devient un lieu de rencontre, de partage, de choses très très fortes. Et pour moi c'est quelque chose, la convivialité, le lien social, c'est une des raisons indissociables d'un festival culturel comme celui des Pluralies. Les lieux sont investis et ça doit faire plaisir parce que ben voilà, ils sont mis en valeur, ils sont mis à jour même parfois parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, même ceux habitant peut-être à proximité, et voilà, ils peuvent découvrir avec émerveillement. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'association, dans notre conseil d'administration, on a le directeur de l'abbaye de Saint-Colomban, c'est-à-dire qu'on ne fait rien contre personne, ça n'aurait pas de sens. On fait en osmose avec toutes les forces vives, bien évidemment la mairie, bien évidemment l'office de tourisme, mais aussi prioritairement l'abbaye Saint-Colomban. Et donc Luxeuil, qui est également, encore une fois, une ville touristique, parce que pour moi c'est la plus belle ville du département, c'est aussi une ville de curistes. D'accord. Et donc, j'ai un vrai bonheur, par exemple, quand il y a une quinzaine de jours, il y a une curiste qui m'a dit « Ah, vous savez, moi je fais une cure à Luxeuil tous les ans, et tous les ans je choisis la date des Pluralies, parce que pour moi, faire une cure quand il y a les Pluralies, c'est complètement différent de faire une cure sans les Pluralies. » Ah ben ça, c'est sûr. Donc c'est voilà, sûr. C'est des choses, des petites pépites qu'on entend, nous, en tant qu'organisateurs, qui sont des vrais, vrais bonheurs à entendre. Ça doit être très gratifiant d'entendre ces retours comme ça. Ça permet de pouvoir continuer, d'avoir envie de proposer bien l'année prochaine une 18e édition. Ah, on l'espère, on l'espère. Donc on le comprend bien, il y aura des gens qui viendront du département de la Haute-Saône, sûrement des Vosgiens aussi, je suppose, mais aussi d'autres personnes venues un petit peu de partout. Oui, parce que c'est une ville de passage. Alors on essaie que les gens y restent un petit peu plus de temps, 2-3 jours. Mais c'est vrai que par exemple, les Belges, les Luxembourgeois et les Lorrains, c'est un peu la route du Sud, hein, c'est la route des vacances. Donc si sur cette route, parce qu'ils trouvent intérêt, ils s'y arrêtent, on est bien évidemment, au regard de l'étude de nos publics, prioritairement sur un public local, c'est-à-dire 50 km à la ronde de Luxeuil. Mais voilà, on a aussi ce public-là qui vient et qui découvre une façon différente de vivre la ville. Et ben voilà, super. Alors je parlais bien d'un des grands noms que l'on retrouvera au sein des Pluralies, hein, Slimane, mais il ne sera pas le seul. Hein, on fera le tour vraiment de tous les artistes présents au sein des Pluralies, donc qui auront lieu, je vous le rappelle, du 18 au 21 juillet pour sa 17e édition. Et en parlant de Slimane, eh bien, on va se lancer dans notre première bulle de son avec eh bien, une de ses chansons, bien évidemment. Viens, on s'aime et on se retrouve juste après. Enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu peur, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. Belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Slimane, qui sera présent au sein eh bien, des Pluralies de Luxeuil-les-Bains, dont nous parlons aujourd'hui avec M. Castan Jacky, directeur artistique et administratif de cet événement. Merci encore à vous d'être parmi Merci nous à vous. Aujourd'hui. Alors, on parlait eh bien, de l'association gérant un petit peu cet événement. Je suppose que derrière tout ça, il y a une équipe, il y a beaucoup de monde qui s'investit pour préparer cet événement. Ah oui, on est quasiment deux personnes, pas à travailler à temps plein sur l'année, mais en tout cas à y penser tout au long de l'année. Donc ça, c'est les deux personnes on est co-directeur, Gilles Franc et moi-même. Et puis, à côté de ça, bien évidemment, il y a le conseil d'administration qui suit un petit peu toutes nos propositions et qui est un organe de réflexion. Et puis, au moment du festival, oui, alors là, il y a 6 techniciens professionnels parce que aménager une salle de spectacle pour accueillir 1500 spectateurs chaque soir plus une autre pour 150 spectateurs, ce n'est pas forcément très, très simple. Oui. Plus une troisième qui a en plus vocation à être salle de restaurant pour 400 personnes. Donc c'est quelque chose où bien évidemment il nous faut la technique des professionnels pour gérer ce genre de choses. Et puis on a aussi une dernière personne qui est embauchée pour la gestion de l'auberge. Parce que quand il s'agit bien évidemment de nourrir 400 personnes chaque soir, il faut qu'il y ait aussi une professionnelle par rapport à ça. Et puis à côté de ça, et c'est la force de ce festival, il y a une quarantaine de bénévoles qui, on leur dit tout le temps, vous faites tout, absolument tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre de festivals qui orientent très précisément les bénévoles sur une tâche très précise. Nous, ils peuvent se retrouver absolument partout, entre l'accueil artiste, l'accueil du public, la billetterie, le montage technique, la gestion de l'auberge. Voilà, ils sont absolument partout. Et ces 40 jeunes, d'ailleurs, pour montrer le dévouement et l'investissement que chacun a, c'est que, bien évidemment, on est dans l'abbaye absolument pendant une semaine, nous tous, toute l'équipe d'organisation, et on dort et on mange et on vit sur place pendant une semaine. Et donc, c'est quelque chose également de très, très fort pour l'ensemble de l'équipe. Et oui, du coup, ça forme une cohésion et ça amène un moment un petit peu hors du temps pour tous ceux qui participent au sein des Pluralis. Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le soir, pour l'instant, nos auberges, et on espère que ça continuera comme ça, à 19h marchent formidablement bien. Et c'est vrai qu'entre 19h et 22h, quand il faut servir à manger à 400 personnes et accueillir 1500 personnes dans un spectacle, il faut forcément qu'il y ait une équipe hyper, hyper soudée parce que vous imaginez, ça court un petit peu partout. Eh bien oui, j'imagine. Donc du coup, tout le monde est en pleine effusion. Tout le monde est ravi. J'imagine que les Pluralis commencent. Comment c'est pris par un petit peu les gens qui habitent sur place, ceux qui vont participer au sein des Pluralis? Comment c'est accueilli tout ça? On a des retours un petit peu comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on arrive le lundi, donc le premier spectacle est le mercredi, oui, 18 juillet à 19h, et toute l'équipe arrive le lundi 16 juillet à 9h du matin. Et quand on arrive le 16 juillet, le lundi à 9h, on a des gens qui viennent nous voir. Ah, les Pluralis arrivent, le centre-ville va être modifié. Parce que bien évidemment, au-delà de la cinquantaine de personnes qui est là dans l'organisation, il y a les camions qui arrivent, les camions des gradins, de la scène, des scènes d'ailleurs. Il y a le restaurateur qui vient s'installer, il y a les camions de boissons qui arrivent. Donc forcément, le centre-ville est complètement bouleversé à partir du lundi. Et à part minusculement quelques petits grincheux qui se plaignent de ne pas pouvoir aller poser leurs lettres dans la boîte aux lettres de la poste, assurément, on a plus à craindre de l'absence d'activité que du trop d'activité. Donc c'est pour nous un moment joyeux. Puis encore une fois, on est au cœur de l'été, on est au cœur des vacances. Tout le monde réagit comme étant quelque chose à part, une bulle particulière. Et je crois, et on va entrer tout à l'heure dans la programmation, mais je crois que chacun peut y trouver quelque chose qui peut l'intéresser. En tout cas, on essaie de penser à ça. On sait que ce genre de festival, il y en a beaucoup, beaucoup dans le sud de la France et que malheureusement, une part non négligeable, presque même plus importante de Français, partent pas en vacances et surtout ne partent pas dans les festivals du sud de la France. Et nous, on essaie de leur apporter ça en fonction des moyens financiers dont ils disposent. Encore une fois, on peut aller voir du cinéma gratuit toutes les après-midi, ou bien on peut aller écouter des concerts gratuits à 19h sans absolument rien dépenser, même si on se trouve dans le cas de notre auberge. Si quelqu'un est là pour la musique, bien évidemment, on l'accueille avec grand, grand plaisir. Oui, il y a une partie payante, une partie gratuite. Et ça, c'est important de le préciser. On en parlera encore au fur et à mesure. Et puis, on vous dira un petit peu à la fin de cette émission comment s'y rendre, comment acheter ses billets, etc., etc. Et ça, c'est quand même important. Vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas assister au Pluralis de Luxeuil-les-Bains. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de temps de préparation pour organiser ce festival. Est-ce que ça se passe d'une année à l'autre, dès que les Pluralis par exemple, 2018 seront terminées, hop, on commence déjà à penser à celui, celle de 2019. Oui, oui, même j'ai déjà en tête des choses qui pourraient être dans les pluralis 19, hein, ouais. Donc c'est des choses qui n'ont pas pu se faire ou qui doivent se penser différemment. Donc bien évidemment, oui, on y pense tout le temps, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... on boucle la programmation à peu près au mois de février, donc septembre-octobre, c'est quand même prioritairement le temps du bilan d'édition passée. Novembre-décembre, c'est les sollicitations des partenaires institutionnels, parce que bien évidemment, derrière tout ça, il y a des conséquences financières, et que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le conseil départemental de la Haute-Saône et la ville de Luxeuil-les-Bains nous soutiennent depuis le début, depuis 2002. Et donc, novembre-décembre, au-delà du bilan qu'on fait l'édition précédente, on pose les principes de l'édition future. Et janvier-février, c'est les deux mois de la programmation. C'est là où on boucle la programmation. Et voilà, donc tout au long de l'année, mars, on fait la conférence de presse. Avril, on est en pleine communication. Et puis mai-juin, c'est toute l'organisation préalable au festival. À part peut-être au mois d'août, hein, où probablement on fait quand même très très peu de choses. Une petite pause. Voilà, on y pense un peu tout au long de l'année. Quand même, hein, on se repose un petit peu pour pouvoir être en pleine forme pour continuer l'année suivante. Alors, on parlait du soutien de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires On a surtout, au-delà des partenaires institutionnels, des partenaires privés. Oui. On a le casino de Luxeuil-les-Bains qui nous suit également depuis le début. Et puis, une douzaine de partenaires privés qui sont là chaque année et qui sont le pendant indispensable des partenaires institutionnels. Donc voilà, tout ça, c'est une alchimie très particulière. C'est la culture telle qu'elle se monte en France actuellement, cette exception culturelle, quelque chose de tout à fait formidable, qui prioritairement s'appuie sur les partenaires institutionnels. On n'a pas l'État, on n'a pas le ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture ne se positionne pas sur les festivals, sauf pour ce qu'ils appellent, eux, les festivals structurants. Mais autrement, on a tous les échelons de l'administration française et c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et derrière ça, il y a donc les partenaires privés qui sont des partenaires locaux très, très importants également pour nous. Et ben voilà, super. Alors, ça commencera mercredi 18 juillet à l'auberge dès 19h avec tout de suite un spectacle voilà, musical, un groupe s'intitulant La Petite Semaine voilà, qui proposera de la chanson française. D'où viennent-ils? Ils viennent de la région lyonnaise, oui. Mais donc ce sont des groupes que moi je repère tout au long de l'année pour d'accord. leur pertinence et puis surtout pour accepter le principe. Il n'y a pas de d'ambiguïté par rapport à ça. C'est que ils seront non pas devant un public qui sera assis sur des chaises ou sur un gradin, mais qui pour la plupart seront en train de boire et de manger. D'accord. Ce qui veut dire que pour nous, d'abord le choix est un choix particulier, hein, c'est-à-dire un choix qui demanderait probablement une écoute un petit peu plus pertinente, par exemple des textes, aurait probablement pas sa place dans une organisation comme celle-ci. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va balayer très rapidement les quatre auberges. Je souhaite qu'également il y ait l'éclectisme de la programmation musicale dans le cadre de ces quatre auberges. Alors par exemple, le mercredi, c'est la chanson française, mais le jeudi, on est sur de la musique gitane et flamenco. Oui. Là, c'était un groupe de Besançon, Elmira. Le vendredi, on est sur du jazz manouche. Et le samedi, on est sur du folk glamour. D'accord. On ne couvre pas, bien évidemment, parce que le domaine musical est très, très large. Mais on essaie, dans cette esthétique-là, c'est-à-dire une esthétique musicale qui peut être entendue par des personnes qui viennent, des fois, souvent, pour les écouter, mais qui viennent aussi, parfois, pour la rencontre, le lien social, pour prendre un verre avec des amis, pour manger, et ben c'est dans ces esthétiques-là, on essaie de couvrir le plus largement possible la musique dans toutes ses composantes. Et ben voilà, c'est super. Pour le plus grand plaisir des oreilles de chacun, donc on commencera donc à l'auberge à 19h. Donc il y a plusieurs auberges ? Non, non, il n'y a qu'une seule auberge, d'accord. Qui est à 19h chaque soir dans la cour intérieure de l'abbaye. Voilà, donc la petite semaine pour de la chanson française, donc le mercredi 18 juillet. juillet dès 19h. Alors je cite, hein, tel un bal populaire moderne et métissé, les concerts de la petite semaine invitent à penser en dansant et à créer du lien et à regarder droit devant. Alors ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on se donne un petit avant-goût avec justement une chanson de la petite semaine pour Elle traîne, et on se retrouve juste après pour bien enfin se lancer dans le grand bain de la programmation. À tout de suite. Lorsque le jour se lèvera, foutre le camp, prendre la route vers Ipanema, Guanabara, vers l'Arabie, vers l'Arak, de Beyrouth, elle traîne. Dans les bouges du port, elle traîne. Où l'opium vaut de l'or, elle traîne. Où les princes se font port, elle traîne. Elle en oublie son corps. L'alcool est bien hospitalier. La nuit la rembla chaque jour. Quand il vaut mieux oublier. Une enfance qui cherche les contours, elle traîne. Dans les bouges du port, elle traîne. Où l'opium vaut de l'or, elle traîne. Où les princes se font port, elle traîne. Où l'herbe s'achète sans effort, elle traîne. Où règne la loi du plus fort, elle traîne. Où elle a ses rapports, elle traîne. Sur des matelas sans ressort, elle traîne. Elle en oublie son corps. Des saints, des escrocs, des pêcheurs. Des saints, exhibés et choyés. Des rêves, des secrets, des voleurs. Des pirates sous comme des baleiniers. Du gothique en face, Barriocino. Le navire tourne le dos et s'en va. Malfamé, les flics rendent parano. Retrouver une estime de soi, elle traîne. Dans les bouges du port, elle traîne. Où l'opium vaut de l'or, elle traîne. Où les princes se font port, elle traîne. Où l'herbe s'achète sans effort, elle traîne. Où règne la loi du plus fort, elle traîne. Où elle a ses rapports, elle traîne. Sur des matelas sans ressort, elle traîne. Elle en oublie son corps. Avoir un père ou une mère. Aucun baiser sur le front. Le compenser par mille partenaires, sans jamais en trouver la raison. Des prières, des croyances à dessous, et l'errance d'une enfant, d'une putain. Exister en montrant ses dessous, au large, les bacs des clandestins. Elle traîne, dans les bouges du port, elle traîne. Où l'opium vaut de l'or, elle traîne. Où les princes se font port, elle traîne. Où l'herbe s'achète sans effort, elle traîne. Où règne la loi du plus fort, elle traîne. Où elle a ses rapports, elle traîne. Sur des matelas sans ressort, elle traîne. Elle en oublie son corps, elle traîne. Dans les bouches, elle traîne. Où le cœur, elle traîne. Où les preuves, elle traîne. Où l'air, elle traîne. Où la loi, elle traîne. Les rapports, elle traîne. Les matelas, elle traîne. Les pompes, elle traîne. Dans les bouches du vent. Où l'opium vaut de l'or, elle traîne. Où les princes se font fort, elle traîne. Où l'herbe s'achète sans effort, elle traîne. Où règne la loi du plus fort, elle traîne. Où elle a ses rapports, elle traîne. Sur des matelas sans ressort, elle traîne. Elle en oublie son corps, elle traîne. La petite semaine pour Elle traîne, un groupe que vous retrouverez, eh bien, vous l'aurez compris, hein, au sein des Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Ils ouvriront un petit peu les festivités, on peut dire. Ah, ils ouvriront complètement les festivités, c'est clair, oui. Alors ça, c'est sympathique. Alors, s'en suivra au cloître, donc à 21h30, eh bien, un autre nom quand même assez connu, dont nous écouterons une petite chanson tout à l'heure, qui est Gauvin Serre, c'est ça ? Exactement, il insiste beaucoup pour qu'on dise, et vous le dites bien, son S final, puisqu'il vient de la Creuse. D'accord. Donc un peu déjà le sud. Et voilà, c'est Gauvin Serre qui s'est fait connaître, bien évidemment, lorsqu'il a fait la tournée de Renault il y a 2-3 ans. D'accord. Il était en première partie et tout le monde l'a assimilé avec le nouveau Renault. Oui. Lui ne voulait pas forcément, bien évidemment, être ce nouveau Renault. Il a fait ses chansons, ses chansons ont plu à Renault. Oui. Et donc il s'est retrouvé naturellement en première partie. Et comme Renault était dans une tournée assez extraordinaire, c'est-à-dire devant des zéniths, la première partie est une première partie très formatrice, c'est-à-dire que si on n'est pas en capacité de faire une proposition originale forte et intéressante artistiquement, très très vite, on sent que le public a envie de passer à autre chose. C'est ça, parce qu'une première partie, on ne vient pas forcément pour l'écouter. Exactement, on ne vient pas pour l'écouter. Et même des fois, on trouve ça un peu lourd, on se dit, tiens, on nous retarde la présence de l'artiste. Et là, heureusement, ça s'est formidablement bien passé, et parce que je crois que Gauvin Serres a vraiment cette capacité. Alors là, il sera dans une proposition déjà festival avec 4 musiciens autour de lui. Mmh. On l'a accueilli, nous, à Seine-Vosges en novembre, au Petit Théâtre Municipal d'Épinal, où c'était archi-complet, et il était avec un seul musicien. Si on a fait ce choix-là de Gauvin Serres, c'est bien évidemment pour ses textes, pas que, encore une fois, puisqu'il sera sur une proposition musicale très forte avec ses 4 musiciens. Mais c'est vrai que dans cette écriture de texte, il y a quelque chose de très particulier. Et on essaie depuis l'année dernière, c'était déjà ça, d'avoir des propositions sur les deux soirs, donc ces deux concerts qu'on propose, Gauvin Serres le mercredi et Slimane le jeudi, où on essaie encore un petit peu, dans cette vision qu'on essaie toujours d'avoir de l'éclectisme, d'avoir sur la chanson française la vision la plus large possible. C'est-à-dire la chanson française, comme son nom le dit, c'est un texte et une musique, et on essaie toujours de prioriser plutôt l'un sur le texte, dans ce cas-là, ça sera Gauvin Serres, même si bien évidemment les musiques de Gauvin Serres sont très intéressantes. Et pour Slimane, comme on l'a entendu tout à l'heure, on a envie tout de suite de danser, on est au cœur de l'été, la chaleur et la musique est une musique extrêmement communicative et participative. Donc voilà, on essaie d'avoir deux propositions musicales qui sont en totale complémentarité dans cet espace qui est notre espace préféré, c'est-à-dire l'espace à 1500 spectateurs. On a déjà accueilli par le passé des jauges à 3000 spectateurs, comme avec Trio en 2009, Christophe Maé en 2013, ou Zaz en 2016. C'est pas notre espace préféré, on est un peu loin des fois quand on est au bout des 3000 spectateurs, oui. On est un peu loin de l'artiste. Là, 1500 spectateurs, donc assis debout, hein, on est, même quand on est au dernier rang du gradin, on n'est pas très très loin de l'artiste, donc c'est pour ça que c'est notre espace préféré. En même temps, il y a 1500 personnes, donc forcément il y a du monde qui participe à un événement culturel, et en même temps on n'est pas très très loin de l'artiste. Ça fait un petit peu intimiste quand même, malgré les 1500 personnes comme vous le dites, mais c'est un peu plus intimiste qu'un énorme Olympia ou un Bercy. Là on est un petit peu plus en proximité, il y a la chaleur humaine, on a la chance de pouvoir profiter à ce moment-là de cet artiste qui se produit devant nous. Et puisque vous me tendez la perche, enfin, je ne sais pas si vous l'aviez fait, mais je vais la saisir par rapport à l'ensemble de ces festivals qui se développent, qui sont une chose formidable. Mais moi, je sais que ce n'est pas mon approche des choses pour les pluralistes. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression, quand on va voir dans un festival, citons, puisqu'on est ici entre la Franche-Comté et la Lorraine, entre le Jardin de Michel et les Eurockéennes, on va voir un festival. On ne va pas forcément voir un artiste à l'intérieur de ce festival. Et le public qui est là est un public mélangé. Je trouve ça formidable de pouvoir découvrir d'autres artistes et des choses comme ça. Mais d'abord, les sets, la durée de ce que le chanteur fait ou le groupe fait est très réduite. Hein, c'est maxi une heure. Là, on est sur des propositions au pluralis à 1h45, 1h30, 1h45. D'accord. C'est l'intégralité du set de l'artiste qui est proposé. Et puis la deuxième chose, c'est que bien évidemment, c'est le public de l'artiste qui est là. Et donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'on est dans une qualité de présentation artistique très forte et non pas, et je suis surtout pas, en plus, je crois qu'ils sont en foutent royalement, en train de décorcher le Jardin de Michel ou les Eurockéennes, mais c'est une autre type de proposition, c'est une autre proposition qui, pour moi, même si j'y vais de temps en temps, par exemple, The Rock, est une autre proposition artistique où, à un moment donné, quand on revient, j'y trouve pas forcément l'intégralité de mon compte. D'accord. Bon, ça c'est dit. Hein. C'est dit, pardon de l'avoir dit ici sur Radio Guémozo. Non, c'est une radio libre, on dit ce qu'il bon nous semble, voilà. Alors donc, pour ce mercredi 18 juillet, donc à l'auberge La Petite Semaine à 19h, au cloître Gauvin-Cerse, au cloître, est-ce qu'on est assis, debout ? On est assis, debout, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu, il y a 400 places assises, 1100 debout. D'accord. Et ça dépend un petit peu, bien évidemment, de l'heure à laquelle on arrive et du choix que chacun peut être amené à faire. Voilà. Le jeudi 19 juillet à l'auberge, eh bien, ce sera de la musique gitane et flamenco, comme vous nous en avez parlé avant, avec un groupe nommé El Mira. Qui vient de Besançon et qui c'est un vrai espagnol, Bernardo José Mira, qui a créé son groupe autour de ça. Et là, je crois qu'il va mettre le feu dans le... Ça va être difficile de trouver du temps pour manger parce que voilà, c'est de la musique gitane et latine comme on l'aime, surtout au moment de l'été. Et oui, là, ça va danser à l'auberge. Enfin, ça va manger déjà. Mais bon. J'espère qu'on va manger, qu'on trouvera un petit peu de temps pour manger. En tout cas, je crois que ça va danser, ça va taper dans les mains. Bah voilà, super. S'en suivra eh bien Slimane, hein, 21h30, eh bien au cloître. Hein. Comment ça se passe pour repérer et faire venir des artistes au sein des Pluralies de Luxeuil-les-Bains? Après, c'est plus le choix qui est important, hein, les repérer. Et puis, c'est pas très, très compliqué. Hein. Eux sont dans une proposition de tournée. Nous, on est dans une proposition d'achat. D'accord. Donc, la rencontre se fait assez rapidement. En plus, j'ai cette double casquette d'être directeur de Seine-Vosges et de directeur des Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Donc, on me sollicite énormément par rapport à ça. Voilà, il s'agit bien évidemment de trouver le bon artiste au bon endroit au bon moment. Nous, on n'est pas sur des... si je vous raconte une anecdote, par exemple, l'année dernière, on a failli avoir Vianney. Ah, c'était oui. Juste au moment où c'était possible. D'accord. Et puis, alors que la chose était actée, ça ne s'est pas fait. Ce qui m'a bien attristé. Mais on sait que... Heureusement ou malheureusement, pour accueillir de nouveau Vianney au Pluralie, il faudra attendre qu'il redescende de sa montagne. Donc on les a soit au moment de la montée, soit au moment de la descente. Mais il y a toute une série d'artistes qui ont des capacités de proposition bien supérieures à celles des Pluralies. Donc là, voilà, il s'agit de trouver le bon artiste au bon endroit, au bon moment. Eh bien, à vous de me tendre une perche. Est-ce que, justement, cette proposition de date du 18 au 21 juillet, elle a une importance particulière? Est-ce qu'elle est choisie volontairement, cette date? Ah, c'est une très bonne question. Pendant très longtemps, jusqu'il y a 3 ans, on était début juillet. Et puis, on était contraint, pour des raisons d'organisation et de disponibilité de l'abbaye, de passer après le 14 juillet. C'était D'accord. pas du tout notre choix. On pensait qu'entre le 14 juillet et le 15 août, il fallait absolument rien proposer. Et comme quoi, ça c'est un vrai message que pour vos auditeurs, à tout moment, des fois les contraintes ont énormément de choses positives. D'accord. Et que il y a eu une fréquentation. D'abord, on a augmenté notre fréquentation à partir du moment où on est passé après le 14 juillet. Et surtout, beaucoup de personnes, je parle prioritairement des Luxoviens et des personnes qui sont dans les 30 km aux alentours, sont arrivées beaucoup plus détendues. Pour la plupart, ils sont en vacances. D'accord. Ils viennent, ils s'installent. Des fois, on les voyait arriver à 19h10, 15h en courant à l'auberge. Ils sortaient de leur travail et ils enchaînaient pas avoir complètement déconnecté le cerveau de leur boulot et des choses oui. comme ça. Là, on les sent absolument complètement détendus. Et donc, quantitativement et qualitativement, d'être passé après le 14 juillet, ça a été très positif pour nous, ce qui fait que maintenant, on ne veut absolument plus repasser avant le 14 juillet. Et voilà, c'est le moment lâcher prise, c'est le moment où on peut profiter pleinement des choses. Et ça, c'est important, on se fait plaisir dans la vie. C'est très important, bien évidemment. C'est, encore une fois, on est sur une proposition de vie, hein, une proposition à un moment donné où on essaie de trouver chez soi des choses qu'on n'a pas forcément la capacité d'exprimer tout au long de l'année. Donc c'est en même temps quelque chose de culturel et de lien social. Et donc trouver la bonne date, c'est aussi quelque chose de très important. Et bien voilà, on continue tout de suite après cette fameuse chanson hein, de Gauvin-Cerse hein, dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et entre autres, hein, parce qu'il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de propositions au sein des Pluralies de Luxeuil-les-Bains. Donc, avant d'entamer la deuxième partie de cette programmation, nous écoutons sa chanson pourvue et on se retrouve juste après. Mmh.

entre deux régions maintenant qui sont très très grandes, entre deux départements, entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Et j'aime bien ici à Épinal proposer des artistes franc-comtois comme dernièrement le Cirque Plume qui sont de Besançon, et puis à Luxeuil de proposer des artistes lorrains qui permettent un petit peu de casser cette barrière administrative qui des fois est une vraie frontière. D'accord, ben là c'est super, on casse toutes les barrières, on se fait plaisir, vous l'avez bien compris. Donc ça, ce sera donc pour Crash Tavalda à 19h à l'auberge, donc pour du jazz manouche, guitare, violon, contrebasse. Moi je suis conquise, hein, les cordes, j'adore ça, donc c'est super, super. On vous y accueille avec grand plaisir. Ah oui, alors s'en suivra à 21h30 au cloître, Giedre et les gens, donc là... pour de la musique d'humour, c'est ça ? Ah oui, oui, on va même plutôt dire de l'humour. On l'a mis dans la catégorie humour. Giedre est une artiste incroyable, c'est-à-dire que... Giedre, pardon. C'est une lituanienne au départ, qui est absolument magnifique, totalement charmante, toute gentille. Quand on la voit arriver, on peut absolument tout lui confier, ses enfants à garder, son portefeuille, ses clés de voiture et puis tout ça. Et puis quand elle commence à parler et à chanter, alors là, elle sort les pires choses, les plus... D'ailleurs, nous, on le dit très clairement, c'est absolument pas un spectacle pour le jeune public. D'accord. On pourra dire un mot tout à l'heure, on fait des propositions pour les spectacles payants de tarifs famille, oui. Sauf pour ce spectacle-là. D'accord, ok. Qui est vraiment, vraiment, absolument pas à mettre entre toutes les oreilles. Okay. Mais je crois que c'est important, c'est très important aussi, qu'on ait la possibilité, un peu comme à un moment donné, Coluche ou d'autres humoristes ont été en capacité de voir un petit peu les méfaits du monde, de pouvoir avoir des artistes comme elle qui, encore une fois, elle fait sous forme de chansons, mais ses chansons disent la monstruosité du monde et prioritairement des hommes, hein, oui. L'homme, le mâle par rapport à la femme. Prioritairement celui qui a le pouvoir par rapport à celle qui n'a pas ou ceux qui n'ont pas le pouvoir. Voilà, c'est une et tout ça avec un sourire, encore une fois sur une personne totalement charmante, qui fait que les pires monstruosités, quand elles sont faites avec beaucoup beaucoup de talent et de charme, elles peuvent être dites et entendues. Et donc voilà, Giedre et les gens et EST, parce qu'elle interprétera un certain nombre de personnages. C'est un spectacle humoristique dans le cadre du cloître à 21h30. Et là, pour préciser, c'est bien évidemment un spectacle où on est tous assis. D'accord. Et pour les adultes, vous l'avez bien compris. Alors j'aime bien parce que pour la présentation, Giedre, chanteuse à succès surtout le mardi, avec des mots et des notes de musique dessus, connue pour le peu d'adresse dont elle fait preuve lors de ses parties endiablées de Bill Bocquet. Voilà, c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, on continuera à 21h30. Donc ça sera en parallèle. Donc, une partie au cloître avec Giedre et une autre partie, donc là, sur un autre lieu. Sur à la maison du cardinal Geoffroy, ou en tout cas, c'est le point de départ. La maison du cardinal Geoffroy, Walking Therapy, qui est un spectacle belge, la thérapie par la marche, qui n'a pas bien évidemment vocation à être un message politique actuellement depuis un an. Et donc, c'est un spectacle qui nous propose dans une forme tout à fait originale, c'est-à-dire que c'est pour 100 spectateurs, qui seront chacun munis de casques audio, de suivre le spectacle déambulatoire dans les rues de Luxeuil. On avait accueilli, encore une fois, à Seine-Vosges, il y a quelques années, un autre spectacle comme celui-ci, par la même compagnie, qui s'appelait « Trop de Guy Béard, tu Guy Béard ». Et c'est un spectacle extraordinaire, parce qu'on crée une petite communauté de 100 personnes maximum, et on a en permanence, alors que les comédiens peuvent s'éloigner énormément, on les a absolument dans nos oreilles, puisqu'on a des casques audio qui nous permettent de suivre absolument tout ce qui se dit entre les comédiens. C'est un spectacle vraiment très, très, très original dans sa forme. On le présente, nous, deux fois, le vendredi 20 à 21h30 et le samedi 21 à 21h30. D'accord. C'est bien évidemment pour les gens qui aiment le théâtre à voir, parce que c'est une forme originale. Oui. Et pour les personnes qui n'ont jamais vu de spectacle de théâtre, commencer par un spectacle comme celui-ci, ça vous réconciliera à vie avec le théâtre. C'est être conquis d'avance, là. C'est oui, parce que, en plus, moi, j'ai un vrai faible pour la Belgique. Je trouve qu'ils ont cette capacité à nous sortir des spectacles très, très originaux. Celui-ci en est un. C'est absolument à découvrir, Walking Therapy. Waouh. Eh bien, si vous voulez retrouver bien toutes les informations sur la programmation que nous n'avons pas fini, dont nous n'avons pas fini de parler, hein, je le précise, on peut retrouver quand même sur le site internet www.plurali.net. Plurali, P, enfin surtout la fin, c'est là où ça peut être problématique, L-I-E-S à la fin. Voilà. À la fin. Oui, puis on met des petits extraits de spectacles, on a les informations qu'on veut. Oui, notre site, je crois, nouvellement restauré depuis l'année dernière, répond à toutes les attentes des internautes. Donc nous mettrons l'adresse de ce site, bien sûr, en podcast avec cette émission d'aujourd'hui pour ne pas se tromper et n'avoir encore une fois aucune excuse pour manquer cette rendez-vous incroyable. Alors on continue avec le samedi 21 juillet, donc retour à la musique avec du folk glamour à l'auberge à 19h pour Molly's Kiss. Exactement, c'est toujours pareil, cette diversité musicale qu'on essaie d'avoir pendant les quatre jours. Le folk, c'est bien évidemment quelque chose qui s'écoute très naturellement. Et voilà, c'est quelque chose qu'on aura pour terminer à l'auberge Molly's Kiss le samedi 21 juillet. Voilà, avec de la voix, de la guitare, de l'accordéon. Encore une fois, eh bien, pour plaire au plus grand nombre, au cloître à 21h30, donc le samedi 21 juillet, ce sera le doux supplice de la planète. Donc là, c'est du cirque. C'est un spectacle de cirque qu'on souhaite absolument faire partager en famille. On a toujours des spectacles de cirque. Le cirque est naturellement, sauf cas exceptionnel bien évidemment, l'art probablement qui se partage le mieux en famille. Et là, le doux supplice de la planche, c'est une planche à bascule qui, avec des voltigeurs. C'est très très impressionnant parce que là, on sera encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure pour Guédré, on sera dans la jauge réduite du cloître. Hein, on sera uniquement avec les 400 spectateurs assis. Et on sera donc en très grande proximité avec la planche. Et une planche à bascule, lorsqu'elle se met en place, c'est-à-dire quand les sauteurs sautent et que le voltigeur voltige, d'abord ça fait du bruit. On se rend compte de la force qu'il faut pour envoyer quelqu'un à 3-4 mètres au-dessus du sol. Ça doit être impressionnant. Et donc c'est bien évidemment, quand il y a marqué le doux supplice de la planche, ces acrobates et ces voltigeurs utiliseront au maximum ces planches-là pour notre plus grand plaisir, et parce que c'est totalement féerique de voir ces gens partir en l'air, se retrouver 3-4 mètres au-dessus de nous. Et voilà, c'est pas très agréable peut-être, en tout cas c'est présenté comme un gag pour la planche, mais pour nous c'est... Voilà, c'est un spectacle de cirque qui nous vient du sud de la France. Et voilà, je crois que c'est vraiment, vraiment, dès le plus jeune âge, 4-5 ans, à partager en famille. C'est subjugant, j'imagine, si on peut dire comme ça. C'est magique, hein, c'est magique. Tout d'un coup, on pense au début que si on se met au bout de la planche, probablement, on peut le faire. Et on se rend compte très, très vite de la performance physique circassienne que ça représente. Et donc, c'est également ce qu'on recherche dans les spectacles de cirque, que des personnes soient en capacité de réaliser une performance que le commun des mortels n'est pas en capacité de faire. J'imagine que ça doit être incroyable à voir. Et ça se passera, vous l'avez compris, le samedi 21 juillet au cloître à 21h30. En parallèle, eh bien, nous l'avons dit tout à l'heure, Walking Therapy, dont nous parlions tout à l'heure, donc pour un petit peu ce spectacle de théâtre hors norme. Avant de continuer avec cette fois-ci ce qui sera ouvert de façon gratuite au public. Hein. On s'écoute un petit son de Crash Tavalda pour le Swing de l'Est. J'ai bien aimé un petit peu ce titre de chanson. Je pense que ça colle bien. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Thank you. Vous l'avez compris, c'était un extrait en live, hein, Crash Tavalda, pour un swing de l'Est tout à fait splendide. Moi, j'adore ce style. Et puis, ces cordes qui résonnent, ça me fait frissonner. Voilà, chacun son style. Donc là, les pluralis, on le sent bien, c'est quand même quelque chose qui peut rester un festival intergénérationnel, mis à part voilà, le spectacle dont on a parlé tout à l'heure, qui sera réservé aux adultes. Mais on peut quand même venir là avec ses enfants pour assister à divers... Il faut venir, bien évidemment. On propose également les après-midi, du jeudi au samedi, entre 16h et 21h, par exemple, un bestiaire alpin, qui est un manège, formidable manège réalisé par une compagnie de théâtre, le Théâtre de la Toupine. Et ce manège a une caractéristique essentielle, au-delà d'être magnifique, ce sont des animaux des Alpes qui accueilleront les enfants. C'est qu'il est à propulsion parentale, c'est-à-dire qu'on demande aux parents de fournir l'effort nécessaire pour que le manège puisse tourner. Donc c'est l'idée des tarifs famille. On nous demande souvent, par exemple, pourquoi on n'a pas de tarifs enfants. On ne souhaite pas qu'il y ait des tarifs enfants, on souhaite qu'il y ait des tarifs famille pour justement, famille vraiment, vraiment, je dirais après le mariage pour tous, au sens très, très large du terme. C'est-à-dire qu'on souhaite, dans une proposition, deux adultes, trois enfants, d'accord, d'avoir, si à un moment donné, c'est un parent isolé avec un enfant, on leur dit, si vous voulez bénéficier de ce tarif famille, trouver le deuxième adulte et les deux autres enfants qui peuvent bénéficier de ce tarif famille. D'accord. Et je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait possible au moment de l'été, c'est-à-dire de construire aussi la sortie familiale pour pouvoir avoir ensemble partagé et que de ce spectacle qu'on irait peut-être voir tout seul, on crée une famille le temps d'un spectacle. Encore une fois, ça peut être deux hommes, deux femmes, un grand-père et son fils avec ses trois petits-enfants et ainsi de suite. Mais on crée un groupe qu'on appelle « Nous, famille » et qui permet donc d'avoir... Et que si on avait ce tarif enfant, très naturellement, on irait chercher en tant qu'adulte le tarif enfant sans forcément se... Encore une fois, c'est un petit peu la même chose que je te disais tout à l'heure avec la contrainte du temps. Avoir la contrainte d'un tarif famille. D'accord, ok. Vous nous parliez du bestiaire alpin, donc ça, ce sera en place gratuitement. Donc du jeudi 19 au samedi 21, il y aura diverses choses gratuites. Donc le bestiaire alpin, ce sera du jeudi 19 au samedi 21, de 16h à 21h, place de l'Abbaye. Donc c'est un manège théâtre dont tu nous parlais juste avant. Et voilà, ça a l'air plutôt... sympathique. Qu'est-ce qu'on va retrouver au sein de cette représentation? Ça sera un vrai manège, hein, comme un manège qu'on peut voir sur la fête foraine. Alors bien évidemment, la scénographie sera complètement différente. Les animaux qui seront sur le manège sont des animaux originaires des Alpes, puisque le théâtre de la Toupine est en Savoie, et que ces animaux ont été sculptés et ils seront absolument magnifiques. Mais surtout, il y aura un piano à côté qui accompagnera bien évidemment le tour de manège, gratuit encore une fois. Oui. Et puis surtout, ce seront les parents qui fourniront les énergie pour que le manège puisse avancer. Ça, si les fou. Parents sont un petit peu fatigués, le manège avancera très très lentement. S'ils ont un petit peu plus d'énergie, il avancera un petit peu plus vite. Eh ben voilà, il faudra se mettre faire le plein d'énergie pour pouvoir faire avancer le manège. La chose importante, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas un tour de manège qu'on propose, c'est un lien social qu'on permet d'établir encore une fois autour d'une proposition artistique, mais ça peut être drôle quand on voit l'enfant qui fait son tour de manège, à part les deux premières minutes où on peut lui faire signe, très vite on a quand même un petit peu l'impression que les parents s'ennuient autour du manège enfantin. Là, ils seront actifs, voire très actifs et que donc c'est ça qui peut être important, y compris le remplacement des parents dans le tour de manège pour que le manège puisse continuer à avancer si les parents sont très fatigués. En tout cas, encore une fois, le manège, tout comme le cinéma qui sera installé, cinéma itinérant, qui sera installé juste à côté du manège, sous une grande tente avec de très beaux fauteuils, proposera tous les jours du jeudi au samedi, entre 16h et 21h, une foultitude de courts-métrages. Alors le court-métrage, très souvent, on ne regarde pas, on ne sait pas ce que c'est. Et le court-métrage, ce qui est formidable, c'est que s'il y en a un qui ne nous intéresse pas, eh ben, comme le dit son titre, il est court. Et que donc on peut attendre le suivant. Et c'est une association lyonnaise qui nous a proposé cette animation-là. Et donc qui proposera une quarantaine de courts-métrages complètement différents pendant toute la durée du festival. Et donc on aura la possibilité, gratuitement encore une fois, de découvrir des œuvres cinématographiques qui, pour la plupart, révèlent des talents ou en tout cas un certain nombre de cinéastes connus et reconnus sont passés par le court-métrage initialement. Eh bien voilà, parfait. Vous avez vraiment fait le point sur les choses. Et, j'ai plus rien à dire. Alors, ah si, moi j'ai encore quelque chose à dire. Si. Pardon, mais on crée un atelier, et c'est pas une blague, hein, on crée un atelier tarte tous les matins à 10h. D'accord. Où on a la possibilité de venir, on amène tous les ingrédients, nous les pluralis, et on amène le savoir-faire, on demande juste à des personnes de venir réaliser des tartes avec nous. Ces tartes ensuite sont vendues le soir à l'auberge. Ce qu'on veut surtout dire, c'est qu'au-delà de la réalisation d'une tarte artisanale, c'est que encore une fois, quand on a tous les mains dans la farine, il se crée des liens extraordinaires. Et que donc, c'est autant la réalisation de la tarte qui nous intéresse que le lien social. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, d'avoir découvert, lors de cet atelier tarte, une personne qui venait au Pluralis depuis le début. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'elle est venue au Pluralis depuis 15 ans, je ne l'avais jamais vue, je ne l'avais jamais reconnue. D'accord. Et qu'il a fallu cet atelier tarte pour tout d'un coup découvrir une personne qui était une assidue des Pluralis. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que, bien évidemment, pour l'immense majorité, on n'a pas forcément besoin de créer des liens entre une équipe et, ou entre des spectateurs, mais il peut y avoir aussi, surtout dans le cœur de l'été, une volonté de rencontrer les gens, de parler de tout, de rien, de l'essentiel, de l'anodin, et que c'est aussi ça qui nous intéresse dans cet atelier tarte. Faire des rencontres dans le monde réel en plus, et ça, ben, c'est primordial, et ça fait quand même plaisir dans ce monde où on est parfois un petit peu... Ben, chacun la tête dans ce qu'on a à faire. Et puis là, c'est le moment de se faire du bien, encore une fois, par toutes les choses qui sont proposées, mais en plus, en rencontrant des gens nouveaux. Et ça, c'est intéressant. Alors, on va parler de comment pouvoir assister à tous ces spectacles, hein, toutes ces choses proposées. Alors, la billetterie peut se faire, la prévente peut se faire par courrier. Donc, on marquera l'adresse complète en lien avec le podcast de cette émission. Donc, pour les abonnements, parce qu'on peut s'abonner, hein, il y a un abonnement possible à partir de 3 spectacles différents achetés en même temps. Exactement. Ah, ça, c'est important. Avec des tarifs très intéressants, hein, puisque par exemple, pour Slimane, la place qui était à 28 euros passe à 22 euros dans le cadre d'un abonnement. D'accord. Donc ça, c'est possible. Donc on peut faire un abonnement ou acheter une place jusqu'à une semaine avant le spectacle. Donc ça, c'est par courrier. Hein, on remettra l'adresse complète sur le site. On peut également avoir, se faire vendre au bureau du festival en pré-vente. Donc ça se passe les samedis de 10h à midi et de 14h à 17h30 à partir du 16 juin. Donc là, ça fait un moment que c'est commencé. C'est ouvert. Exactement. C'est ouvert jusqu'à quand là ? C'est ouvert jusqu'au festival. Et D'accord. puis après, c'est ouvert tous les jours à partir du 15 juillet. D'accord. Donc, on peut encore acheter des places. Oui, il reste des places pour tous les spectacles. Ouf, ça va. En pré-vente pour les spectacles, dans divers endroits aussi. Hein. Beaucoup sur le site. Le plus simple, c'est d'aller sur le site des Pluralis, pluralis.net, où là, vous pouvez acheter tous les spectacles que vous souhaitez. Vous ne pouvez pas vous abonner. Donc, si vous voulez vous abonner, D'accord. là, par contre, il faut soit le faire par courrier, soit directement au bureau des Pluralis. D'accord. Les samedis, puis après tous les jours à partir du 15 juillet. Ok. Et donc, on peut aussi acheter ses places sans abonnement directement en ligne sur Internet. Bien sûr, sûr. Ça, c'est sympathique. On peut également réserver par téléphone. Exactement, au 07 69 93 55 32. Eh bien, voilà, super. Pour les tarifs, est-ce que tout est affiché sur le site Internet ? Bien sûr, tout est affiché, mais on est très, très vigilant aux tarifs. C'est-à-dire que, par exemple, pour tous les spectacles, sauf pour, bien évidemment, Slimane et Gauvin Cerf, oui. les places les plus chères sont à 10 euros. C'est-à-dire qu'on pense que la barrière financière doit être la plus basse possible oui. pour permettre au maximum de personnes d'y aller. Donc ça, c'est les places les plus chères. Si en plus vous vous abonnez, ça tombe à 7 euros. D'accord. Si vous y allez en famille, ça tombe à 25 euros, c'est-à-dire 5 euros la place pour 5 personnes. Eh bien, dis donc, c'est très abordable. Pour permettre à tous, eh bien, d'avoir accès eh bien, à la culture musicale, un petit peu aux festivités, et puis voyager, pas trop loin, mais on vous amène le soleil au sein des pluralistes. Exactement, et on compte sur le soleil parce que c'est vraiment bien évidemment un plus lors du festival. Et oui. Est-ce qu'on a fait le tour ? Merci beaucoup Lia, on a absolument fait le tour. Merci. Merci beaucoup Monsieur Castanjaki de nous avoir parlé des pluralis de Luxeuil-les-Bains pour sa 17e édition, donc du 18 au 21 juillet, avec une superbe affiche. Je tiens quand même à le souligner, à prendre quelques instants pour souligner cette affiche vraiment très très jolie, faite par une Vosgienne. Delphine Aubry, qui est en même temps d'être graphiste et est également peintre qui réalise un certain nombre de choses. Et donc oui, je crois qu'elle plaît énormément cette affiche. Oui, elle est superbe, très colorée, je pense bien à l'image eh bien, de cet événement proposé. Merci beaucoup à vous d'être venu par la bulle pour nous parler de toute cette programmation et tout ce qui englobe ce festival. Et puis bien entendu, un très bon festival. À très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that method's pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong.